les richesses incompréhensibles de Christ zizamenu tajiri usioeleweka wa Kristo ont été mises en disposition ziliwekwa kwetu par la vertu de sa grâce kupitia neema yake à la portée de tous kwa faida ya sote. Nous voulons faire deux prières. Tutafanya maombi mbili. La première, nous voulons commencer par prier pour l'église de Goma. Tutaombea kwanza kanisa la Goma. Ensuite, tu vas prier pour toi-même. Baadaye utajiombea mwenyewe. Pour dire Seigneur, ukisema Bwana, je viens dans ce programme de prière et de jeûne. Nakuja katika mpango huo mafungo na maombi. M'approcher de toi. Kukukaribia. Dans le contexte de ta promesse. Ndani ya hali ya ahadi yako. Je veux vivre les richesses incompréhensibles de Christ. Natamani kuiriti utajiri usioeleweka wa Kristo. Natamani bila les dominations, les autorités, les pouvoirs connaissent par l'église. Utawala na ngome zijue kupitia kanisa. La sagesse infiniment variée de Dieu. Hekima kubwa ya Mungu. Connaissent par l'église. Wajue kupitia kanisa. Nous voulons dire Seigneur. Tutambia Mungu. Tu as ton église à Goma. Una kanisa lako Goma. Élève l'église. Inua kanisa. Afin que par l'église. Ili kwamba kupitia kanisa. Ceux qui tiennent les rênes de cette ville. Wanaoshika mateka mji huu. Garder les êtres humains. Kwa kuweka watu. Dans l'esclavage. Ndani ya utumwa. Dans la domination, ndani ya kutawaliwa, dans la misère, ndani ya ole, dans les malheurs, ndani ya tatizo, dans l'incrédulité, ndani ya kukosa kuamini, puisse sortir waondoke des ténèbres, ndani ya giza. N'est-ce pas que nous sommes lumière des nations et porteurs de salut? Je tunakuwa nuru ya ulimwengu na ubebaji wa wokovu. Qui est l'obstacle? Kizuizo ni nani? Au premier niveau, c'est nous-mêmes. Ni sisi kwanza. Lorsque nous n'avons pas compris, wakati atuelewi, au deuxième niveau, jambo la pili, ce sont les principautés, les pouvoirs, les autorités, ni nguvu na ngome za giza, dans les lieux célestes, pahali pa juu, qui doivent connaître, ambao wanapashwa kujua, que Yahweh, ya kama Yahweh, a une église sur la terre, ana kanisa ulimwenguni. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Yahweh là? Tunaweza kumshangilia Yahweh. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. When Yahweh. Ce programme, commençons par là. Demandons à Dieu de venir dans ce programme. Seigneur, tu as initié ce programme. Viens dans ce programme. Seigneur, c'est ton initiative. Seigneur, ce sont tes affaires. Seigneur, c'est pour toi que nous sommes réunis ce matin. Et dans ce programme que nous commençons ce matin, nous prions, Seigneur, que tu viennes. Uje. Viens. Kuja. Dans ta gloire. Dani ya utukufu. Viens dans ton cabot. Kuja ndeka neno lako. Viens dans ta doxa. Kuja ndani ya utukufu wako. Aya kababa shetere usa kolajea. Viens Seigneur. Kuja Bwana. Viens mon Dieu. Kuja Mungu wangu. Nous sommes là. Nous nous sommes disposés. Nous sommes prêts à y aller avec toi. Nous ne voulons pas faire quelque chose d'autre que d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur, viens dans ce programme. Oh Dieu, Mungu. Oh Dieu, viens. Mungu kuja. Yahweh, viens. Yahweh kuja. Jésus, viens. Yesu kuja. Saint-Esprit, viens. Rob takatifu kuja. Et prends contrôle. Utuongoze. Prends-nous en charge. Utusamini. Prends ce programme en charge. Kamata mpango nous le dédions à toi. Tunaiweka mikononi mwako. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Nous voulons prier, frère, pour toutes les églises qui sont dans cette ville. Et dire, Seigneur, élève l'église. Élève l'église. Mets l'église à sa place. Parce que les principautés, les pouvoirs et les autorités connaîtront par l'église. Seigneur, soutiens l'église. Seigneur, comme une torche mise au-dessus, élève l'église. Prions. Si tu connais une église, prie pour elle. Prie pour l'église Arche. Prie pour l'église. Oh Dieu, élève l'église. Élève l'église en cette ville. Élève l'église en cette vallée. Élève l'église, Seigneur. Jésus. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité, mon Dieu. Oh Dieu, tu as ton peuple dans cette vallée. Oh Dieu, élève l'église de cette vallée. Oh Dieu, élève l'église de cette vallée. Mon Dieu, élève l'église de cette vallée. Élève l'église. Quand le Fils de l'homme sera élevé, élève-toi dans l'église. Il attirera tous les hommes à lui. Il attirera beaucoup d'hommes à lui. Élève-toi dans cette vallée, Seigneur. Élève-toi, ô Dieu. Nous voulons faire la troisième prière. Dites, Seigneur, moi dans ce programme, je voudrais que tu me visites. Napenda unitembeleye. Visite-moi, Seigneur. Nitembeleye bwana. Ce programme ne finisse pas. Mupango usiishe. Sans que tu ne m'aies visité. Kabla uja nitembeleye. Prions notre Dieu. Twende kuomba Mungu. Recommande-toi la grâce. Jiweke mikononi mwa Bwana. Visite-moi, Seigneur. Nitembeleye bwana. Visite-moi, Seigneur. Nitembeleye bwana. Je suis le moindre de tous les saints. Niko mdogo wa watakatifu. Je suis le moindre de tous les saints. Niko mdogo miongoni mwa watakatifu. Mais que ta grâce me soit accordée. Neema yako nipatie. Que ta grâce me soit accordée. Nipe neema yako. Où Paul il s'agissait d'annoncer les richesses incompréhensibles. Et pour mon frère, Seigneur. Et pour moi, Seigneur, annoncer les richesses incompréhensibles. Les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses à mettre à lumière la dispensation de ton mystère caché depuis les siècles. Par lequel tu as créé toutes choses. Annoncer les mystères. Christ. Christo, nous voulons nous approcher avec confiance. Seigneur, chaque jour je viendrai avec confiance. Je viendrai avec confiance pour expérimenter ce que tu as mis en exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Je veux vivre, Seigneur, ce que tu as exécuté par Christ. Seigneur, me voici dans ce programme. Accepte-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Que ce programme soit ouvert devant toi, Seigneur. Et devant les hommes. Que ton trône soit ouvert ici. Que ton ciel soit ouvert sur cette assemblée. Que ton ciel soit ouvert sur cette ville. Que ton ciel soit ouvert sur cette génération. Oh Dieu, donne-nous d'avancer, de progresser. Sous ton ciel ouvert, nous voulons progresser. Sous ton ciel ouvert, et qu'il en soit ainsi. À partir de ce matin, que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Oh Dieu, que tes anges montent et descendent. Que tes anges montent et descendent. Et que ta lumière soit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Et nous avons la joie d'accueillir le serviteur de Dieu, Pasteur Noah Obacha. Obacha. Arrivez. Bienvenue. Ce n'est pas la première fois que vous l'écoutez. Si mara ya kwanza mnamsikia. Il peut prêcher en anglais ou en swahili. Anaweza kuhubiri mkingereza ama mkiswahili. Mais le Saint-Esprit est là pour interpréter. Roho Mtakatifu iko hapo kwa kutafsiri. Alléluia. Amen. Et les cœurs qui sont disposés attrapent. Na mioyo iliyo tayari. Ce que Dieu est en train de dire. Quelqu'un a dit, un enfant docile ou quelqu'un attentif attend même au milieu du marché. Il y a beaucoup de bruit. Mali pana watu wengi kwenye soko aliye mwangalifu anasikia. Alléluia. Amen. Merci. Bonjour. Je suis très content d'être ici ce matin. Nafurahi kuwa hapa asubuhi huu. Comme j'étais à Bunia, il commençait à enseigner le beau français. Nilipokuwa Bunia walianza kunifundisha Kifaransa nzuri. Maintenant, je parle français. Sasa ninaongea Kifaransa. Je ne sais pas si je vais prêcher français ou bien swahili. Sijui kama nitahubiri mkifaransa ama kiswahili. Mais un jour quelqu'un m'a arrêté. Siku moja mtu mmoja alinisaidia. Mais il connaît le français seulement. Anajua tu Kifaransa. Il m'a dit il faut m'aider. Aliniambia unisaidie. C'est cette jour j'ai commencé à parler beaucoup de français. Nile siku nilianza kuongea Kifaransa tele. Merci, jambo. Bonjour. Munaka smart sana, munapendeza. Vous êtes si chic, vous êtes brillant. Nyinyi ni watu wazuri. Vous êtes des bonnes personnes. Asante. Merci beaucoup. Kabla sijaanza kufundisha, avant que je ne commence à enseigner, kuna wazo nilikuwa nalo. Il y a une pensée que j'ai. Ya kuuliza tu ni kama ni mafundisho bado. C'est l'enseignement. Ni kusema wakati tunaamka asubuhi. Lorsque nous nous réveillons le matin, tunaanza na nini? Par quoi nous commençons? Atasema tunaanza na maombi. Nous commençons par la prière. Tunaanza kwa kusoma Biblia. Nous lisons la Bible. Lakini nikajifunza swali moja kitu moja ya muhimu. J'ai appris une chose importante. Ambayo ni ninaanza na swali. Je commence par une question. Swali ni hili. Voici la question. Mungu unataka kufanya nini leo? Dieu, que veux-tu faire aujourd'hui? Na unataka nikuwe na partnership na wewe namna gani? Et quelle relation veux-tu que j'ai avec toi? Nini unataka kufanya? Que veux-tu faire? Na wakati tunaanza mwaka. Lorsque nous commençons l'année. Sababu bado tuko tu mwanzo wa mwaka, sivyo? Nous ne sommes qu'au début de l'année, n'est-ce pas? Sasa swali ni Mungu unataka kufanya nini mwaka hii? Demande-toi Dieu que veux-tu faire en ce moment? Na najua pale ndio pasteur ametoa theme ya année. C'est là que le pasteur a tiré le thème de l'année. Kuendelea ndani ya utukufu. Année de mes progressions dans sa gloire. Nimeipata. Inatoka pale. Ça vient de là. Sasa nini Mungu anataka kufanya? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Sababu hii semaine ni swali nimekuwa najiuliza nini Mungu anataka kufanya. Je me posais cette question, qu'est-ce que Dieu va faire? Résultat ya hii semaine ni gani? C'est quoi le résultat de cette semaine? Sababu ukishajua résultat ya semaine, lorsque tu connais le résultat de la semaine, itakupatia orientation namna ya kuikala. Ça te donne l'orientation et comment te positionner. Itakusaidia kujua utafanya maombi livo gani. Ça te permet de connaître à quel échelon tu vas orienter ta prière. Nikaelewa kutoka kwa maandiko. J'ai compris les écritures. Exode chapitre 4. Dans Exode chapitre 4. Si mafundisho yangu ya asubuhi ya leo. C'est pas ça mon enseignement pour ce matin. Lakini nataka tu niseme kidogo. Mais je vais juste te parler un peu. Alafu tuone vile itakuwa. Exode chapitre 4. Verset yake ya 22 na 23. Exode 4, 22 et 23. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai partir ton fils, ton premier-né. Parole du Seigneur. Amen. Tunajua plague ya 10 ilikuwa mtoto ya watoto wa kwanza wa Egypte walikufa. Le 10e plaie est que le premier né d'Égypte sont morts. Na hapa Mungu anasema mapema mapema. Et si Dieu parle trop tôt. Yakuu sipoachilia Israeli aende. Si tu ne laisses pas Israël partir. Na wako watakufa. Tes enfants vont mourir. Lakini tunaona Mungu anachukua étape mingi avant afikie kwa ile. Dieu prend beaucoup d'étapes avant d'arriver par là. Anajua nini atafanya. Il sait ce qu'il va faire. Na ameshaisema mwanzo. Et il a déjà annoncé au début. Lakini haifanyi haraka haraka. Il ne le fait pas si vite. Inaonyesha kuna kitu kwa Kiingereza nasema perseverance, kuvumilia. Ça montre la persévérance. Yaani kuvumilia ndani ya tumaini. La persévérance dans l'espérance. Sababu anasema vizuri. Il dit clairement, mtoto wako atakufa usipoachilia wangu. Ton fils mourra si tu ne laisses pas Israël. Alafu kitu cha pili nataka uone pale. Deuxième chose que je veux que tu voies. Kwa nini Mungu anataka kuokoa Israeli? Pourquoi Dieu veut sauver Israël? Ukisoma chapitre 3, si tu lis le chapitre 30, anasema nitawapeleka kwa nchi mzuri. Il dit, je vous amènerai dans un bon pays, chapitre 3. Inchi yenye iko na maziwa na asali. Un pays où coule le lait et le miel. Lakini wakati Mungu anakonfronte Farao. Mais quand Dieu vient confronter Pharaon, analeta kwa nini anataka kuokoa Israeli. Il montre pourquoi il veut sauver Israël. Anasema, nataka wanitumikie. Il dit, je veux qu'il me serve. Objectif yetu ya kuokoka ni nini? L'objectif qui fait que nous soyons sauvés. Ama objectif yetu tufanyiwe deliverance ni nini? L'objectif qui nous amène à être délivrés, c'est quoi? Ni ili tumtumikie Mungu. C'est pour que nous servions Dieu. Wakati tunabadilisha attitude zetu. Lorsque nous changeons notre attitude. Kutoka kwa kutafuta Mungu atupatie vitu. Et que nous cherchons qu'à ce que Dieu nous donne des objets. Tunawachana na hiyo dimension. Nous laissons cette dimension. Ya kutafuta Mungu atupatie vitu. De chercher Dieu pour qu'il nous bénisse. Lakini tunatafuta Mungu tumsavir. Nous cherchons Dieu pour le servir maintenant. Sababu ametupatia vyote. Parce qu'il nous a tout donné. Unajua dunia na vyote vilivyomo ni vya Mungu. Le monde avec tout ce qui est dedans appartient à Dieu. Sasa kama tuko tayari kumsavir, si nous sommes prêts à le servir, atatupatia accès kwa zile vitu. Il nous donnera accès à toutes ces choses. Si ati atatupatia vitu. C'est pas qu'il va nous donner ces choses. Sababu vitu ni zake. Les choses lui appartiennent. Lakini atatupatia accès kwa zile vitu. Mais il nous donnera accès à ces choses. Ili tumsavir nazo. Pour que nous lui servions avec. Sasa hii semaine wakati unaomba. Quand tu pries cette semaine. Nataka ujiulize. Pose-toi la question. Profit gani ama faida gani nitaletea Mungu nikipata hii kitu? Quel profit vais-je apporter à Dieu si j'octroie cette chose? Nikiolewa nikaoa faida gani Yesu atapata? Si je fais le mariage, quel est l'intérêt de Dieu dedans? Ukijaelewa vile atapata intérêt. Là quand tu repères l'intérêt de Dieu. Ama vile atapata faida. quand tu repères son intérêt, uko na sababu kubwa ya kusimama mbele yake, là tu as une cause majeure pour se lever devant lui, na ujitete mbele ya Mungu, et commencer à plaider devant lui. Sababu tukiwa ndani ya utukufu, quand nous sommes dans la gloire, tuko na accès kwa baba yetu, nous avons accès au Père. Lakini sasa nini tutasema? Qu'est-ce que nous allons dire? Na eske atajibu ama hatajibu? Va-t-il répondre ou pas? Itategemea objectif ya ile vitu Mungu anataka atupatie. Tout dépend de l'objectif des choses que Dieu veut nous donner. Nini tutafanyia? Qu'est-ce que nous allons faire avec? Sasa ninaomba hivi mimi leo hii semaine. Je prie pour cette semaine. Ya kwa Mungu atubadilishe mentalité yetu. Que Dieu change notre mentalité. Tusikue watu wa kutafuta vitu. Que nous soyons pas des gens qui courent derrière les matériels. Lakini tutafute Mungu mwenye vitu. Mais que nous courions derrière Dieu qui est propriétaire des choses. Akitupatia vitu ni sawa. Quand il nous donne ces choses là, c'est bon. Asipotupatia tumempata. S'il ne nous donne pas ces choses, lui on l'a. Ile ndio faida yetu kubwa. C'est ça le plus grand intérêt que nous sababu puissions avoir. Sababu tumepata mwenye vitu ako ndani ya nyumba yetu. Parce que nous avons le propriétaire des choses, il est dans notre maison. Si je fais quelque chose, je lui dirai, papa, ça, ça me manque. Parce qu'il est en moi. Il est dans ma maison. Lui, il n'est pas à l'extérieur. Cette semaine ne demande pas des choses. Ambia Mungu ningetaka dimension yangu ningetaka niikale mbele yako. Dis-lui je mérite me tenir dans ta présence. Ningetaka vitu zenye zinanizuia kukaa mbele yako zitoke. Je mérite que les choses qui m'empêchent de demeurer dans ta présence me quittent. Alafu mimi niweze kukaa na wewe. Et que je demeure avec toi. Nilikuwa ninaimagine mambo ingine. J'imaginais autre chose. Wakati Yesu aliingia Yerusalemu. Quand Jésus est entré en Jérusalem. Alipanda punda. Il est allé sur une âne. Cet âne était attaché en dehors de la ville. Alafu ile punda ilifunguliwa. On a ouvert cet âne, on a délié cet âne. Alafu Yesu aliipanda ile punda. Jésus est monté dessus. Maandiko haituambii kesho yake kama Yesu alikuwa na punda bado. La Bible ne nous dit pas le lendemain si Jésus avait cet âne. Na hiyo masiku ingine ile punda ilikuwa wapi? Et les jours suivants, où était cet âne? Sasa nataka kuprovoke imagination yako. Je voudrais booster ton imaginaire. Sababu Yesu alipanda punda. Jésus est monté sur l'âne. Sababu wakati punda ilibeba Yesu. Lorsque l'âne a porté Jésus. Ilikuwa na valeur kubwa sana. Cet âne avait une grande valeur. Hata watu walitandika vikwembe chini. Les gens mettaient de pagne. Alafu punda ilipanda juu. Et l'âne passait dessus. Na Yesu alikuwa juu ya punda. Et Jésus était sur l'âne. Lakini wakati Yesu alitoka juu ya ile punda. Mais lorsque Jésus est descendu de l'âne. Ile punda ilikuwa na valeur kweli. Cet âne avait de la valeur. Mimi na imagine ile punda. J'imagine que cet âne. Ilikuwa inabebea mwenyewe maji. Portait de l'eau pour le propriétaire. Alikuwa anatoa maji mfleve anapeleka nyumbani. Il amenait de l'eau du fleuve jusqu'au domicile. Inabeba ile punda. Et l'âne portait de l'eau. Alafu anaenda anaifunga nje ya mji. Et il l'attachait en dehors de la ville. Ni kusema imekuwa mchafu haitaki. C'est pour dire cet âne était souillé, il ne voulait pas si ça. Si kitu ya valeur kwake sana. Ce n'était pas quelque chose de si précieux. Sababu ingekuwa ya valeur kwake sana. Si ça avait de l'importance à ses yeux. Angeifunga. Il pouvait l'attacher dans la cour. Il pouvait la placer là où il y avait la sécurité. Mais voyez, il plaçait cette âne là où il n'y avait pas de sécurité. C'était facile. Pour quelqu'un qui passe le long du chemin, puisse les détacher. Cette âne n'avait pas de la valeur aux yeux du propriétaire. Mais le jour où Jésus est monté dessus, l'âne a eu de l'importance. Et on a mis des pagnes et l'âne est passé dessus. Le lendemain, où était l'âne? Peut-être qu'il a pris. Aka kasirika kidogo. Son propriétaire l'a pris. Sema sasa wewe ulienda kubeba Yesu na mimi maji yangu haiku kuja hapa twende. Il s'est dit mais toi tu as transporté Jésus et moi j'ai pas pu prendre mon eau. Allez, retournons. Sasa kama ile punda ilikuwa inabeba pombe. Si cet âne transportait de la boisson, bado ilienda kubeba pombe kesho yake. C'est retourné encore, c'était rentré, c'était retourné pour transporter la boisson. Sasa nataka nilete ushauri. J'aimerais apporter ces conseils. Usikue punda. Ne sois pas l'âne. Sababu punda inabebanga Yesu tu wakati mwingine. Parce que l'âne porte Jésus que momentanément. Alafu wakati mwingine inaenda kufanya shughuli zingine. Et après l'âne retourne faire ses travaux quotidiens. Ndio unaona mtu ako très serré kwa église. C'est là que tu trouves quelqu'un qui est impliqué à l'église. Ametembea na Biblia na heshima kubwa. Il marche avec la Bible. Amebeba Yesu dimanche. Il porte Jésus le dimanche. Alafu lundi. Le lundi. Amebeba ile vitu ingine. Il transporte ses anciennes choses. Apana. Non. Sisi tunataka tubebe Yesu siku zote. Nous voulons porter Jésus tous les jours. Si Yesu akue tu juu yetu. Non seulement que Jésus soit sur nous. Yesu akue ndani yetu. Mais qu'il soit en nous. Tusikue kama yule punda. Ne soyons pas comme cet âne. Alafu tutafanya hatua. Nous allons faire un pas, un parcours. Sasa nini itafanya mbingu zetu zifunguke? Qu'est-ce qui fera que notre ciel s'ouvre? Sababu ndio tuendelee vizuri. Pour que nous progressions très bien. Lazima mbingu zetu zifunguke. Il faut que le ciel s'ouvre. Yo mambo ingine nimesema. Ce que je viens de dire. Ilikuwa tu maneno. C'était juste pour dire. Ce n'est pas l'objectif de ce matin. J'ai senti dire cela. Pour vous challenger afin de pousser votre réflexion. J'ai vu les gens très calmes. Là, ça m'a plu. Parce que maintenant les gens pensent, ils réfléchissent. Mais Mais lorsque les gens sont agités, là, ils ne réfléchissent pas. Les enseignants, nous voulons que les gens réfléchissent. Quelquefois, j'essaie d'être prédicateur et je n'y arrive pas. Je sais que le pasteur Pierrot, c'est un bon prédicateur. Et d'autres. Amen. Qu'est-ce qui fera que les cieux s'ouvrent? Je veux que nous voyons les choses qui ouvrent les cieux. Et nous verrons les choses qui bloquent l'ouverture des cieux. Et après nous allons prier pour ces choses qui empêchent aux cieux de s'ouvrir. Je ne peux pas tout finir aujourd'hui. Non. Tutaendelea ndani ya semaine. Nous allons poursuivre au courant de la semaine. Aujourd'hui, je parlerai des choses qui ouvrent les ciels. À cause du temps, j'aimerais vous donner quelques passages. Et vous lirez calmement. Et ça sera bon. Dieu est bon. Na itafurahisha Mungu. Ça plaira à Dieu. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Dans Actes des Apôtres. Ukisoma chapitre 10. Le 10e chapitre. Verset 1 jusqu'à 7. 1 à 7. Usisome sababu ya wakati, utasoma baadaye. On va lire ça après. Inaongea habari ya mtu anaitwa Cornelio. On parle de Corneille. Na inasema alikuwa mtu jeshi ya Italian. C'était un agent militaire d'Italie. Alimuogopa Mungu. Il craignait Dieu. Na nyumba yake yote. Avec toute sa maison. Hakumjua Mungu. Il ne connaissait pas Dieu. Lakini alimuogopa Mungu. Mais il craignait Dieu. Kuna tofauti ya kumjua Mungu na kumuogopa Mungu. Il y a une différence entre connaître Dieu et craindre Dieu. Sababu nilikuwa nasikiza story ya Boko Haram moja. J'entendais l'histoire d'un Boko Haram. Boko Haram ni wale rebelles wanaua kristiani kule Nigeria. Boko Haram, fait, c'est un groupe de gens qui tuent les gens au Nigeria. Nasikuingine Mungu aliniokoa kwa mikono yao. Un jour Dieu m'a sauvé de leurs mains. Sababu nilitoka kwa ile village vers 15h. Parce que j'étais quitté dans ce village vers 15h. Na ikafika 18h wakawa wameua watu 40 nyuma yangu. Et à 18h, ils ont tué au moins 40 personnes derrière moi. Mungu anaweza kukuokoa. Dieu peut te sauver. Kwa mikono miovu. De mauvaises mains. Sasa Boko Haram huyo alikuwa anatoa témoignage. Boko Haram, cet homme-là de Boko Haram donnait un témoignage. Akasema wakati walikuwa kukaa yao. Il dit lorsqu'ils étaient dans leur camp. Wakati haja convertir akuwe chrétien bado. Avant qu'ils ne deviennent chrétiens. Walienda wanashika kwa village ya chrétienne, wanashika chrétienne wengi sana. Ils sont partis dans un village plein de chrétiens et ils ont capturé beaucoup de chrétiens. Wanawaleta kukaa yao. Et les ont amenés dans leur camp. Ili wawaue. Pour les tuer. Alafu mkubwa yao, leur chef, angesema, waanza kuwauliza. Il pouvait demander, commencer à questionner. Mwenye anapenda Yesu aende kushoto. Celui qui veut Jésus qu'il aille à gauche. Mwenye anakana Yesu aende kulia. Celui qui refuse Jésus qu'il aille à droite. Sasa wangefanya hivyo watu wengine wangekana Yesu anaenda kulia. Ceux qui ont accepté Jésus pouvaient aller à droite. Alafu anasema wengi wangekataa Yesu. Nombreux refusaient Jésus. Wakifikiria wakikubali kuwa waislamu watapona. Il pensait que s'ils acceptent d'être musulmans, ils seraient sauvés. Wangeweka hizi kundi zote mbili tofauti tofauti. Il pensait qu'on pouvait distinguer ces deux groupes. Wale wenye walikana Yesu, ceux qui ont nié Jésus, wangewawa. On pouvait les tuer. Mkubwa wangesema, leur chef pouvait dire, hawa wakipatikana na chrétien, si ces gens sont trouvés par un chrétien, watakata uislamu watakuwa chrétien. S'ils rencontrent des chrétiens, ils vont refuser l'islam et ils deviendront des chrétiens encore. Hawana msimamo. Ils n'ont pas de position. Mungu yao hawezi akawadefendre. Leur Dieu ne peut pas les défendre. Lakini hao wenye wamesimama na Yesu. Mais ces gens qui sont restés fidèles à Jésus. Mkubwa ya Boko Haram angesema msiue hawa. Le chef de Boko Haram disait ne tuez pas ces gens. Mungu yao ataniuliza. Leur Dieu va me demander. Na mimi na muogopa Mungu yao. Et moi je crains leur Dieu. Sasa hiyo ni exemple ya kumuogopa Mungu. Ça c'est un exemple qui montre la crainte de Dieu. Hajamkubali Yesu. Il n'a pas encore accepté Jésus. Lakini anamuogopa. Mais il le craint. Kwa hivyo anafanya matendo. Il fait des actes. Yenye anazingatia est-ce que Mungu atafurahia ama hapana. Il se pose la question est-ce que Dieu sera content ou pas. Sasa kuna watu wengi kanisani. Il y a beaucoup de gens à l'église. Wanamuogopa Mungu. Il craint Dieu. Wanafanya maneno ya kimungu. Ils font l'œuvre de Dieu. Lakini hawajamkubali Yesu. Mais ils n'ont jamais accepté Jésus. Wanamuogopa tu. Ils craignent Jésus. Lakini wakijificha pembeni kidogo. Mais lorsqu'ils sont dans la cachette. Wanafikiria Mungu hatuoni. Ils pensent que Dieu ne les voit pas. Wanafanya ile maneno ingine. Ils font les anciennes choses. Hiyo ni kumuogopa Mungu. Ça c'est craindre Dieu. Sasa Cornelio alimuogopa Mungu. Corneille avait la crainte de Dieu. Kwa sababu ya kumuogopa Mungu, parce qu'il craignait Dieu, alikuwa anaomba, il priait, na alikuwa anatoa sadaka, et il donnait les offrandes. Na résultat ya ile, le résultat de cela, mbingu zake zilifunguka. Le ciel se sont ouverts en sa faveur. Na Mungu akamletea njia ya wokovu. Et Dieu lui a apporté un chemin du salut. Sasa kama tunataka mbingu zetu zifunguke. Si nous voulons que notre ciel s'ouvre. Lazima tutakuwa watu ya maombi. Nous devons être des hommes de prière. Lazima tutakuwa watu ya kutoa. Nous devons être des gens qui offrent. Hatutoi ndio tupate. Nous n'offrons pas pour recevoir. Tunatoa sababu tumepata. Nous offrons parce que nous avons reçu. Sababu maandiko inasema. La Bible dit. Amesha tubariki. Il t'a déjà béni. Na baraka zote zenye ziko juu ya mbingu. De toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes. Sasa mimi ninatoa si ndio nibarikiwe. Je n'offre pas pour être béni. Lakini sababu nimeshabarikiwa ninatoa. Mais parce que je suis béni, j'offre. Na sababu ninatoa. Parce que je donne l'offrande. Mungu ananipatia accès kwa vitu zingine zaidi. Dieu me donne accès à beaucoup de choses encore. Ili nisaidie nieze kufanya kazi yake. Afin que je commence à les servir. Nimeshabarikiwa. Je suis déjà béni. Kwa hivyo ninaweza toa. Et maintenant je peux offrir. Alafu anasema na Cornelia alikuwa anaomba. Et Corneille priait. Huyu ni mtu mwenye anamuogopa Mungu. Ça c'est un homme qui craint Dieu. Lakini anafanya mambo ya kimungu. Mais il fait l'œuvre de Dieu. Na Mungu anaangalia moyo wake. Et Dieu regarde son cœur. Anaona huyu anatamani kunijua. Et il trouve en lui la soif de connaître Dieu. Mbingu zake zinafunguka. Le ciel se sont ouverts. Kama tutakuwa watu ya maombi. Si nous serons des hommes de prière. Na tukue watu ya kutoa. Et que nous offrons. Mbingu zetu zitafunguka. Notre ciel sera ouvert. Nini ufungua mbingu? Qu'est-ce qui ouvre les ciels? Ni sababu tunaomba. C'est lorsque nous prions. Na tunaombea wapi? Où est-ce que nous prions? Tunaombea kwa madhabahu ya Mungu. Nous prions sur l'autel de Dieu. Atuombei popote. Nous ne prions pas n'importe où. Unakumbuka story ya Jacob? Rappelez-vous de l'histoire de Jacob. Jacob anakimbia Esau. Jacob fuit Esaü. Alafa nafika inafika jioni Jacob anafika Bethel. Le soir Jacob est arrivé à Bethel. Anachoka analala. Il était fatigué et il est plongé dans le sommeil. Genèse 28. Genèse chapitre 28. Akisha choka analala. Lorsqu'il était en plein sommeil, anaota. Il a eu un rêve. Mbingu zimefunguka. Le ciel était ouvert. Kwa sababu gani Jacob anaota? Pourquoi Jacob a eu ce rêve? Sababu amekuja kwa contact na madhabahu ya Mungu. Parce qu'il était en contact avec l'autel. Ukikuja kwa contact na madhabahu ya Mungu. Quand tu es en contact avec l'autel de Dieu, mbingu zako zinafunguliwa. Ton ciel sera ouvert. Alafu unaweza omba. Là tu peux prier. Sasa na liberté kubwa. Na uhuru kubwa. Avec toute liberté. Sababu Jacob anasema, parce que Jacob dit, anafanya vœu mbele ya Mungu. Il a donné un vœu à Dieu. Sababu anaona Mungu huyu atanichunga. Parce qu'il a trouvé que c'est Dieu peut le protéger. Sasa kama tunataka mbingu zetu zifunguke, lorsque nous voulons que notre ciel s'ouvre, lazima tuanze maombi. Commençons à prier. Na si maombi ya kusema baba nilitaka kunipatie gari. Ne prie pas pour dire Seigneur donne-moi le véhicule. Hapana. Non. Unasema baba nataka nikujue. Dis père je vais te connaître. Nataka nijue unataka kufanya nini. Je vais connaître ce que tu veux faire. Moyo avec wako moi. Yesu uko wapi? Où est ton cœur? Unakumbuka wakati watoto ya Jacob wanaenda kuona Joseph. Lorsque les enfants de Joseph wanaenda kuona Joseph Egypte. Lorsque les enfants de Jacob sont allés voir Joseph en Égypte, wameenda kutafuta chakula. Ils sont allés chercher la nourriture. Lakini moyo ya Joseph inauliza ndugu yangu yuko wapi? Mais le cœur de Joseph a posé la question où est mon frère? Hawezi akajitambulisha kwao. Il ne pouvait pas se révéler auprès d'eux. Wao wamekujia chakula et sont venus pour la nourriture. Na besoin ya Joseph ni ndugu yake. Et le besoin de Joseph était de trouver, retrouver son frère. Deuxième fois wakati wanaleta Benjamin, lorsqu'ils sont venus avec Benjamin, nini natendeka? Qu'est-ce qui s'est passé? Judas anafanya maombi. Judas a fait une prière. Na Joseph anajitambulisha kwao. Et Joseph s'est révélé auprès d'eux. Sasa waendi na chakula. Ils ne sont pas rentrés avec la nourriture. Wanabakia penye chakula iko. Ils sont restés là où la nourriture était. Sababu wamejuana na Joseph. Parce qu'ils ont fait connaissance avec Joseph. Hii mambo nitaendelea nayo vizuri kesho. Je vais poursuivre avec ces choses demain. Alafu najua Mungu atatubariki sana. Et Dieu va nous bénir. Amen. Amen. Karibu pastor. Taniache pale. Introduction succincte. Kingilio fupi. Asante. Merci beaucoup. Tunashukuru. Merci. Sasa tusimame tuombe. Lèvons-nous pour la prière. Comme c'est une semaine de prière, mana ni wiki ya maombi, nous voulons prendre quelques minutes. Tutachukua dakika fulani. Pour prier. Kwa kuomba. Nous sommes déjà en jeûne. Tuko ndani ya mafungo. Mais le jeûne n'est pas suffisant si on ne prie pas. Mafungo haitoshi kama uombe. C'est pas une grève de faim. Aiko kufunga njaa. Le but c'est la prière. Lengo ni maombi. Alléluia. Amen. Nous voulons prier. Tunatamani omba. Seigneur, aide-moi à te connaître. Bwana nisaidie nipate kujua. Aide-moi à comprendre ce que tu veux. Nisaidie kujua kile ambacho nataka. Aide-moi, Seigneur, nisaidie Bwana, à m'approcher de toi. Nikukaribie. En fait, nous voulons prier pour notre cœur. Tunatamani kuombea mioyo yetu. Et c'est très bien à ces premiers jours, à ces premiers moments. Ni muhimu kwa siku ya kwanza kwa nyakati hizi. Tuombe mioyo yetu. Parce que si ton cœur n'emboîte pas, kama moyo wako auingie katika njia, tu seras en retard. Utabaki nyuma. Ou tu vas tout perdre. Amotapoteza yote. Commence à parler à Dieu. Anza ongea na Mungu. Seigneur. Bwana. Seigneur. Bwana. Mon cœur, Seigneur. Moyo wangu ni hapa. Mon cœur, Seigneur. Moyo wangu. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani. Nafsi yangu ya kutamani.